le groupe Journey avec leur titre Don't Stop Believing sur RGM. Et tout de suite, on va laisser la parole à Lia qui reçoit la Maison de la Bresse pour nous parler de plusieurs événements. Et à tous, vous êtes bien sur Radio Gemozo, vous nous écoutez sur le 107FM, mais vous pouvez également nous écouter en streaming depuis notre site internet www.radiogemozo. Et aujourd'hui avec nous Charlotte Zimmer, chargée de communication à la Maison de la Bresse. Charlotte, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Moi ça va bien. Merci. Chargée de communication, c'est comme ça? Ouais, c'est bien. Ouais, ça. C'est bien. D'accord. Alors, on parle de trois points là aujourd'hui avec vous. Trois choses, trois événements qui se déroulent à la Maison de la Bresse. Et on commence eh bien avec la première soirée 20h04 de l'idée sans retour de l'année 2020 à la Maison de la Bresse. Ça se passe le jeudi 23. Hein, c'est très très bientôt. N'hésitez pas, voilà, à bien écouter ce dont on va parler pour eh bien, y aller. Hein. Est-ce que le public y répond présent? Oui, en général. Tout à fait, oui. Ouais. Est-ce qu'il faut réserver? Non, il n'y a pas de réservation, mais on conseille de venir tôt parce que la dernière fois, il y a des gens qui sont restés debout, malheureusement. Ah mince. Il n'y avait plus de place. Ça commence à 20h04 précise, j'imagine. Oui. Voilà. Alors, 20h04, l'idée sans retour, c'est des soirées conçues pour tous ceux qui ont envie de découverte, de curiosité et d'ouverture d'esprit. 4 fois 20 minutes par des passionnés sur des sujets variés. Avant de terminer la soirée autour d'un verre pour prolonger la discussion avec l'intervenant de votre choix. Cette fois-ci, c'est le 15e opus. Oui, déjà. Voilà. Alors, qui retrouverons-nous cette fois-ci dans le 20h04 de ce jeudi 23? Parmi nos quatre invités, nous aurons Justine Fleurot-Mogel, d'accord, qui est une herboriste en devenir et qui nous parlera du bonheur par les plantes. Oh, ça c'est chouette ça. Ouais, ça a l'air intéressant. D'accord. Nous aurons ensuite Emmanuel Pierrot, qui devait être accompagné de Jackie Durand, mais malheureusement il ne sera pas là. Donc Emmanuel nous parlera de la chronique culinaire Tu m'étonnes, qui paraît dans le journal Libération. D'accord. Donc Emmanuel, lui, fait l'illustration, et Jackie Durand, son acolyte, fait le texte. D'accord, super. Voilà. Okay. Nous aurons ensuite Florian Lambolès, qui lui est un téléludophile. Il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Et donc en fait, c'est un amoureux du petit écran que vous avez déjà pu voir, je pense, dans Pékin Express en 2018. Oui. Et c'est pas la seule émission qu'il a fait. Il me semble qu'il était animateur sur Radio Gémozon. Ah oui? Voilà. Et ben voilà, il est connu déjà alors. Il avait ça d'être dans le sang déjà. Ouais, c'est ça. D'accord. Super. Et enfin, comme artiste, nous aurons Vink, qui est un danseur hip-hop de Gérardmer. Donc apparemment très très très calé dans la danse hip-hop, donc on a hâte de voir ça. Il va faire une démonstration? Ouais. Super. Ce sera pendant ces 20 minutes ou... Ouais. Ah oui. Pendant 20 minutes, ouais. À 20 Top minutes chrono. Il parle pas de ce qu'il fait? Non. Il n'est qu'en démonstration? Non, ouais, il est là en artiste. Après, ça peut être intéressant de le faire revenir une autre fois, ouais. Mais oui, c'est plutôt sympa. Est-ce que à chaque fois pour le 20h04, ce sont des sujets différents? Oui, c'est ce qu'on aime bien faire, ouais, varier les sujets. Est-ce que ce sont à chaque fois des, surtout des personnages locaux, ou est-ce qu'un petit peu on peut s'évader? On essaye, mais après ça peut être de partout. D'accord. Moi, j'ai envie d'entendre Justine Fleurot-Mogel qui nous propose comment être heureux avec les plantes. Oui, moi aussi. Ça doit quand même être plutôt sympa. Alors, il se passe plein d'autres choses donc, à la Maison de la Bresse, notamment voilà, une soirée théâtrale avec le plateau livre dans le cadre du spectacle Coin du Feu. Tout à fait, oui. Donc le plateau livre qui vient de Vanier, on le rappelle. Oui. Et donc les spectacles Coin du Feu, ça convient parfaitement à la Maison de la Bresse parce que c'est des spectacles de théâtre en petit format, donc c'est intimiste, convivial et plutôt familial. Et donc le 7 février, ils nous proposeront le spectacle qui s'appelle « La meilleure version de l'humanité, c'est moi ». Ah, ça c'est bien. Et donc apparemment, nous aurons un coach sur le plateau, qui va nous expliquer, nous apprendre comment devenir la meilleure version de soi-même. Super. Est-ce que ça s'adresse à toutes les générations, ce spectacle? Ouais, ouais, tout public. D'accord. On peut venir avec ses enfants, ses grands-parents. Tout à fait. Super. L'entrée est de 7 euros. oui. Hein, pour ce spectacle. Ça va, c'est pas excessif. On reste encore dans cette, un petit peu, cette envie de la culture pour tous à la Maison de la Bresse. Ouais. C'est très fort comme valeur à la Maison de la Bresse. Donc, cette soirée avec le plateau ivre, c'est bien le 7 février à 20h30. Est-ce qu'il faut réserver cette fois-ci ? Non plus. On accueille tout le monde. Voilà. Pas de réservation, pas de privilégié. D'accord. Combien de temps ça dure un petit peu cette... 45 minutes. Donc en ce moment, il y a également une exposition, oui, à la Maison de la Bresse. Les lieux se prêtent à toutes ces choses en même temps. Alors parfois ça se chevauche un petit peu et il faut faire un petit peu de manutention, c'est vrai, mais on y arrive. On est polyvalent. On est polyvalent, oui. Donc l'exposition du moment, c'est Le Monde de Pierrot. Oui. Donc elle est là depuis le 21 décembre et elle sera visible jusqu'au 8 mars. Donc c'est Emmanuel Pierrot en fait qui expose ses photos dont on a déjà parlé. Donc Emmanuel Pierrot, c'est un créateur d'images mais surtout d'histoire visuelle, on va dire, puisqu'il a vraiment son monde à lui, un monde assez décalé, assez humoristique, avec des photos hyper sympas, hyper graphiques à voir, hyper colorées. Et ça plaît beaucoup. D'accord. D'où vient-il, cet homme-là ? Il habite à Basse-sur-le-Rue. D'accord. Donc on reste encore dans le local. Donc on est encore, ouais. Ok. Et en même temps, il y a des stages de photos, il y a des ateliers sur ce thème ? Alors, on aura aussi, à partir du 8 février, Julien Félix, qui est un photographe, on va dire, assez différent d'Emmanuel Pierrot, parce que lui, il utilise une ancienne technique qui s'appelle le collodion humide. D'accord. Donc je ne saurais pas vous expliquer tous les détails, mais ça fait des photos plutôt en noir et blanc. Et assez prenante, on va dire. Et c'est un amoureux de la forêt, donc lui, il nous propose plus des paysages magnifiques à couper le souffle. Ça, c'est beau. Et donc, ces deux artistes, Emmanuel Pierrot et Julien Félix, proposent effectivement des stages photos. Comme ça. Alors, on en aura plusieurs. Je vous invite surtout à aller sur le site de la Maison de la Bresse pour tous les connaître. Mais il y en a différents pour les adultes, pour les enfants. Il y en a même avec les deux artistes en même temps. Et pour vous citer un exemple, il y a Julien Félix par exemple qui proposera de créer un appareil photo sans appareil photo. Waouh, super. Est-ce que ça s'adresse aux débutants comme... Il y a plusieurs niveaux. Il y en a certains qui sont niveau intermédiaire, d'autres qui sont totalement pour les débutants ou pour tout le monde. D'accord. Super. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Voilà, il y aura toutes les informations dessus. Voilà, de la Maison de la Bresse ou sur le Facebook peut-être de la Maison de la Bresse. Oui, on le dira aussi, ouais. Très bien. Donc vous avez bien compris, on vous a parlé du 20h04, l'idée sans retour. Surtout, notez bien, hein, c'est ce jeudi 23 janvier. N'hésitez pas à venir un petit peu plus tôt pour être sûr, au moins d'assister à tout ça assis. Oui. La soirée théâtrale avec le plateau ivre, c'est vendredi 7 février à 20h30. Vous avez encore un petit peu de temps, mais voilà, surtout, n'hésitez pas à aller voir. Est-ce qu'on peut retrouver cet événement avec des photos, des extraits peut-être quelque part ? Oui, bien sûr. On va mettre ça pareil sur le site de la Maison de la Bresse. Vous pouvez aussi aller sur le site de la compagnie directement. D'accord. C'est www.leplateauif.fr. Et ben tout voilà. Simplement. L'exposition du moment, c'est Le Monde de Pierrot. Donc ça se passe depuis le 21 décembre jusqu'au 8 mars. Et bientôt, Julien Félix, donc dès le 8 février. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous. On embrasse toute l'équipe de la Maison de la Bresse. On les remercie pour cet optimisme qui nous, à chaque fois qu'ils nous transmettent. Nous, on aime bien. On vous remercie aussi. À bientôt. À bientôt. Merci Lia pour ce programme très intéressant avec donc la Maison de la Bresse. Et nous, on va parler anniversaire. Ils sont nés un 22 janvier 1949, naissance de Steve Perry, ancien chanteur américain du groupe Journey. 1959, naissance de Linda Blair, actrice américaine connue pour son rôle de Regan McNeil dans L'Exorciste 1 et 2. 1962, naissance d'Isabelle Nanty, actrice française vue dans Tati Daniel, La Belle Histoire, Les Visiteurs dans le rôle de Fabienne Morlot, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre dans le rôle d'Itinéris, 3-0, Disco, Agathe Cléry, Incognito, Les Tuches, 1, 2 et 3 dans le rôle de Cathy Tuche, Les Infidèles, Les Profs, 1 et 2 dans le rôle de Gladys, la prof d'anglais, Alad 2, la télévision dans Fais pas ci, fais pas ça dans le rôle de Christiane Potin ou encore Munch dans le rôle de Gabriel Munchkowski. Qui. Et d'ailleurs, la série qui revient très bientôt. 1965, naissance de Steven Adler, musicien américain qui fut le premier batteur du groupe Guns N' Roses. C'est également l'année de naissance de Diane Lane, actrice américaine vue dans Rusty James dans le rôle de Patty, Colton Club dans le rôle de Vera Cicero, Jumper, Man of Steel, Batman vs Superman, l'aube de la justice et Justice League dans le rôle de Martha Kent et la saison 6 de la série télé House of Cards dans le rôle d'Annette Shepherd. 1968, naissance de Franck Leboeuf, ancien footballeur français, devenu acteur. Il a fait sa carrière de joueur de foot entre 88 et 2005 en jouant au Stade Levallois, à Strasbourg, à Chelsea, à Marseille, au club d'Al Sadd et au club de Al Wakra. Champion du monde 98, champion d'Europe 2000, vu à la télévision dans nos chers voisins Camping Paradis, Scène de ménage, Commissaire Magellan et très récemment dans l'émission Mask Singer. Il était dans le costume du Pan. 1975, naissance de Balthazar Getty, acteur américain vu dans Lost Highway, la série télé Charmed dans le rôle de Richard Montana, alias Brothers and Sisters dans le rôle de Tommy Walker, ou encore Hawaii 5-0. 1981, naissance de Beverly Mitchell, actrice américaine connue pour son rôle de Lucy Camden dans la série télé 7 à la maison, vue également dans La vie secrète d'une ado ordinaire dans le rôle de Caitlin O'Malley, vue aussi dans Melrose Place ou encore Alerte à Malibu. 1990, naissance d'Alizée Cornet, joueuse de tennis française professionnelle depuis 2006, numéro 11 mondial, c'était en 2009, c'était son meilleur classement. 8e de finaliste à l'Open d'Australie et Roland-Garros et Wimbledon, 16e de finaliste à l'US Open, alors remporté avec l'équipe de France la Fed Cup en 2019 et elle avait remporté une Hopman Cup en 2014. 1993, naissance de Florian Ordonez, alias Big Flo, rappeur français du duo hein, Big Flo et Oli. Et en 2004, décédé Tiki Olgado, hein, célèbre acteur français. En 2007, décédé l'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, hein, fondateur du mouvement Emmaüs en 49. Et en 2008, c'était Heath Ledger qui nous quittait, acteur australien, vu dans le film à succès hein, Le secret de Brokeback Mountain. Et il avait incarné le Joker dans The Dark Knight. Allez, comme tous les mercredis, on fait un point sur les sorties cinéma. On commence avec le film Adoration, un thriller de Fabrice Duvels avec Thomas Djora, Fantine Ardouin ou encore Benoît Poulvorde. Autre film Scandale, biopic drame de J. Rock avec Charlize Theron, Nicole Kidman ou encore Margot Robbie. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Drame romance d'Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni ou encore Benjamin Laverne. Autre film, c'est le retour de Bad Boys au cinéma. C'est le troisième volet Bad Boys for Life, un film d'action d'Adil El Arbi et Bilal Fallah avec bien sûr Will Smith et Martin Lawrence qui reprennent leur rôle et on peut y retrouver également dans ce troisième volet Vanessa Hudgens. Et on termine avec Garabandal, un biopic de Brian Alexander Jackson avec Belén Garde Garcia, Fernando Garcia Linares ou encore Rafael Samino Arona. Voilà pour les sorties cinéma. On va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec les Guns N' Roses et leur titre Sweet Child O' Mine. She's got do we go now? Where do we go? Les Guns N' Roses sur le 107 FM, on parle météo. La météo. Il y a du brouillard en plaine, mais sur Saint-Étienne-lès-Miremont, on a un beau ciel bleu. On va encore en profiter toute la journée. Aujourd'hui, des températures comprises entre moins 4 et moins 3 degrés ce matin, entre 3 et 5 degrés pour cet après-midi. Jeudi et vendredi seront encore de belles journées ensoleillées avec, pour jeudi, des températures comprises entre moins 4 et moins 3 degrés le matin, entre 5 et 6 degrés prévus pour demain après-midi. Vendredi, entre 0 et 1 degré le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un peu de sport, enfin en tout cas parler d'actu. Les résultats sportifs. En basket, en Pro B, défaite de Nancy face à Boulazac à 67 à 69. On va parler des Jeux Olympiques de la jeunesse. Pas de médaille pour l'équipe de France hier, mais en hockey sur glace, l'équipe féminine de Slovaquie a décroché la médaille de bronze. Et je vous en parle, puisque dans l'effectif de l'équipe de Slovaquie, on a une ancienne joueuse d'Épinal. Et oui, son père a fait partie des Dauphins et des Gemio. Il s'agissait de Peter Slovak. Et bien, l'une de ses filles a suivi ses pas. Elle est hockeyeuse, elle joue au même poste que son père en défense, Kristina Slovakova. Et bien, avec l'équipe de Slovaquie, elles ont décroché hier donc la médaille de bronze. Un mot de football avec la Coupe de France, Épinal-Lille à la Colombière. Et bien, c'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde est en attente de la décision définitive de la Fédération française de football. Quelques travaux vont être effectués et normalement, la rencontre devrait avoir lieu à la Colombière. Un mot de biathlon, la prochaine étape c'est Paul Cloucquin, ça débute demain avec l'individuel messieurs. On retrouvera le retour de Johannes Bö, il l'a d'ailleurs communiqué sur ses réseaux sociaux, c'est sûr, le Norvégien sera bel et bien de retour une semaine après la naissance de son fils. Et à noter que côté effectif français, que ce soit côté messieurs ou féminin, il n'y a encore aucun changement. Allez, on parle tennis avec l'Open d'Australie. Et côté messieurs, à noter hier l'abandon de Joe Wilfried Tsonga, touché au dos face à Popperine. Joe Wilfried Tsonga qui s'interroge sur sa fin de carrière, oui ou non. En tout cas, il a déclaré « Je n'ai pas envie que mon corps décide pour moi ». Donc voilà, affaire à suivre. Le Français est âgé de 35 ans. Gaël Monfils s'est qualifié en 3-7 face à Luch. Herbert s'est qualifié en 5-7 face à Nori. Simon s'est qualifié en 3-7 face à Cuevas. À noter les éliminations de Chardy en 3-7 face à Goffin, de Gaston en 4-7 face à Mouniard et de Benchetrit en 3-7 face à Sugita. Et à noter hier également les qualifications de Medvedev et d'Alexander Zverev. Aujourd'hui, à noter les éliminations de Benoît Paire en 5-7 face à Marin Cilic et de Barrère en 4-7 face à Peya. À noter également l'élimination de la tête de série numéro 8, Berrettini. La qualification de Novak Djokovic et à suivre les matchs de Fonini, Tsitsipas, Bautista Agut ou encore Roger Federer.